Bonjour à toutes et à tous, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver aujourd'hui après quasiment 5 mois de pause, oui on a un peu abusé des vacances, et comme chaque année vous aurez le droit à une toute nouvelle équipe dès la semaine prochaine, mais avant ça on vous a préparé le récap des actus de la semaine une toute dernière fois. Colline vous parlera réforme constitutionnelle, Chloé se penche sur les politiques migratoires européennes, bon courage à elle, Margot décrypte le plan anti-harcèlement du gouvernement, Corentin revient sur la vie du célèbre journaliste Jean-Pierre Elkabbach, et Julie qui nous parle de sa chronique depuis hier, personne ne sait ce que c'est, même moi, donc restez jusqu'à la fin, on espère que ce sera à la hauteur. Mais avant ça, on n'a pas perdu nos bonnes habitudes, je laisse le micro à Gabriel pour les actus immanquables de la semaine. Débattre autour des enjeux des médias pendant 9 mois, c'est le programme des États généraux de l'information qui se sont ouverts mardi, le 3 octobre. Parmi les sujets de réflexion, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle ou encore les conditions de travail des journalistes, ces travaux pourraient déboucher à des propositions de réforme l'été prochain. Les recherches se poursuivent pour retrouver Lina, cette adolescente de 15 ans a disparu depuis le 23 septembre dans le Bas-Rhin. Elle se rendait à la gare pour rejoindre son petit ami. Une information judiciaire a été ouverte le 1er octobre par le parquet de Strasbourg pour enlèvement et séquestration. Nous allons refuser du monde pour la première fois de l'histoire des Restos du Cœur, les mots de Jean-Yves III le 4 octobre. Le délégué général des Restos du Cœur l'a confirmé, à partir de novembre, l'association ne pourra pas prendre en charge tous les demandeurs de l'aide alimentaire en cause de la hausse des charges dues à l'inflation. Une aide militaire à l'Arménie, c'est ce qu'a annoncé le 4 septembre Catherine Colonna. La ministre des Armées était en déplacement à Erevan. Une aide alors que l'Arménie se voit menacée par l'Azerbaïdjan qui a envahi l'enclave du Haut-Karabakh, peuplée majoritairement d'Arméniens. De son côté, l'ONU a envoyé une mission humanitaire dans l'enclave le 1er octobre, la première fois depuis 30 ans. Et puis on termine avec l'annonce des prix Nobel cette semaine et parmi les lauréats des Français, Anne L'Huillier et François-Pierre Agostini décrochent le prix Nobel de physique. Leur prouesse, avoir réussi à créer des impulsions lumineuses de l'ordre de l'attoseconde, c'est-à-dire un milliardième de seconde. Une réussite qui ouvre de nouvelles voies entre autres dans l'informatique mais également dans la fabrication de médicaments. Macron, il a récupéré tous les tocards de la politique. Parti ! Mais qui elle est, celle-là ? Quelle indignité. On a fêté un célèbre anniversaire cette semaine, celui de la Constitution de la 5ème République. Le texte de loi a 65 ans, c'est le texte le plus stable de toute l'histoire selon Emmanuel Macron, qui en a profité pour parler réforme constitutionnelle. Salut Colline. Salut Bruno. Dis-nous un peu quelles sont les priorités de notre président. Le chantier le plus urgent pour le gouvernement, c'est l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution. Et par urgent, Emmanuel Macron veut dire dans les prochains mois, le président veut que le droit à l'IVG soit mentionné dans la révision de la Constitution, puis ça doit encore passer devant l'Assemblée nationale, puis devant le Sénat, un chemin plutôt long avant que l'avortement rentre dans la Constitution. Ça, c'était le plus urgent. Ensuite, on passe au plus gros chantier de la réforme, celui du référendum. Le chef de l'État veut étendre son champ d'application. Aujourd'hui, si Emmanuel Macron veut proposer un référendum, il ne peut le faire qu'à propos de lois portant sur la politique économique ou sociale du pays. Et maintenant, il veut l'étendre à d'autres sujets qu'il n'a pas précisé pour le moment. Que du flou, mais l'extrême droite plaide depuis des semaines pour que l'immigration soit comprise dans le champ d'application du référendum. Mais le président a aussi parlé de simplifier le RIP. Attends, Colline, est-ce que tu peux juste expliquer d'abord ce que c'est le RIP? Ah oui, c'est vrai, ok. Donc c'est le référendum d'initiative partagée, c'est le seul moyen pour les parlementaires associés aux citoyens d'exiger la tenue d'une consultation de la population. Ça existe depuis 2015 et aucune tentative n'a abouti. Et du coup, c'est quoi la solution miracle du gouvernement? Eh bien, il n'en a pas. Il n'a pas non plus été très explicite sur le sujet. Il a juste reconnu que la procédure était excessivement contraignante. En gros, tout le discours du président, c'était pour annoncer les grandes lignes de la réforme, mais sans donner de réelles mesures. On change totalement de sujet. C'est décidé, il reste en Belgique. On parle de Salah Abdeslam, le seul survivant des commandos du 13 novembre. La justice belge a refusé de renvoyer le détenu sur le sol français. Selon elle, la peine de prison à perpétuité incompressible pourrait violer la Convention européenne des droits de l'homme. La Belgique ajoute que la condamnation est inhumaine et dégradante. Le dossier doit revenir le 17 octobre devant le tribunal de Bruxelles, qui devra infirmer ou confirmer la décision de la cour d'appel. On rappelle qu'après le procès des attentats du 13 novembre, Salah Abdeslam était ensuite en Belgique pour remise temporaire, le temps de mener cette fois le procès des attentats de mars 2016 à Bruxelles. Et puis le mouvement catholique Civitas officiellement dissous par le gouvernement. Une décision prise mercredi en Conseil des ministres. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, Civitas depuis 2016 est un parti politique intégriste d'extrême droite. Ils sont notamment connus pour des actions contre des œuvres d'art qu'ils jugent blasphématoires ou contre le mariage homosexuel. Dernièrement, le mouvement est accusé d'avoir tenu des propos antisémites ignominieux, selon le ministre de l'Intérieur, des propos proclamés en août en Mayenne lors des journées d'été du parti, puis publiés sur Twitter. Gérald Darmanin a de suite demandé la dissolution du mouvement, c'est donc chose faite. God save the king. Sono una donna, sono una madre, sono italiana. I have a dream. Be you. Be proud of you. Guerre, crise économique et politique, ce sont des situations qui se multiplient dernièrement et qui poussent à l'exil. Forcément, le nombre de réfugiés dans certains pays explose et les politiques migratoires européennes se durcissent. Salut Chloé. Salut Bruno. Le Conseil européen s'est mis d'accord ce mercredi sur un texte clé du pacte migration et asile. Il aura fallu 4 ans de débats pour qu'enfin les 27 trouvent un compromis sur le pacte migration et asile. Un compromis in extremis puisque le sujet a été abordé vendredi au Conseil européen à Grenade. Le but de ce pacte, c'est d'empêcher un afflux massif de réfugiés, comme c'était le cas pendant la crise de 2015 et 2016. S'il faisait débat jusqu'ici, les pays membres se sont enfin mis d'accord, mercredi, sur un nouveau texte. Y compris l'Allemagne, qui s'y refusait jusqu'ici pour des questions humanitaires. Mais Olaf Scholz est plus strict qu'Angela Merkel et considère que le nombre de migrants en Allemagne est désormais trop élevé. Donc c'est plus compliqué pour les migrants de venir en Europe à cause de ce pacte. Oui, car de nouvelles lois rendront plus difficile l'obtention d'un asile politique. En gros, il autorise la mise en place d'un régime dérogatoire bien moins protecteur pour les migrants que les procédures habituelles. Il permet par exemple d'allonger la durée de détention des migrants aux frontières extérieures de l'Union jusqu'à 40 semaines et au contraire, à l'intérieur des frontières, d'aller plus vite dans l'examen de certaines demandes, notamment celles des ressortissants de pays dont le taux de réponse positive est inférieur à 75%. L'objectif, c'est de les renvoyer plus vite et plus facilement. Et au-delà de ces mesures, le pacte prévoit tout de même d'augmenter les aides pour les pays qui reçoivent des flux importants de migrants. Des aides économiques, mais aussi des relocalisations de demandeurs d'asile sont prévues. L'objectif affiché est d'adopter ce pacte avant les élections européennes de juin 2024. Et une première dans l'histoire du Congrès américain, le chef républicain conservateur de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a été évincé. Un moment historique ce lundi, après un débat tendu entre les membres conservateurs de la Chambre des représentants, un vote, celui de la destitution de Kevin McCarthy à la tête de la Chambre. 216 élus ont alors voté pour le destituer contre 210, dont 8 membres de son propre parti des Républicains. 1000 policiers vont être envoyés en Haïti pour régler le problème des gangs. La décision a été prise ce lundi. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé d'envoyer 1000 membres de la police kényane pour aider à la résolution des tensions à cause des gangs. Une décision qui inquiète la société civile car la police kényane a été montrée du doigt à plusieurs reprises pour abus et violations. C'est un problème que le gouvernement a voulu prendre à bras-le-corps, le harcèlement scolaire notamment après plusieurs suicides ces derniers mois. Salut Margot. Salut Bruno. Le 27 septembre dernier, Elisabeth Borne, la première ministre, a annoncé son plan pour lutter contre ce fléau. Oui, un plan qui s'articule en trois axes, la prévention, la détection et la gestion des cas de harcèlement. Bon, vous vous en doutez, dans une chronique de 2 minutes, je ne vais pas pouvoir balayer toutes les mesures, mais on va faire un point sur les plus importantes. Pour ce qui est de la prévention, Gabriel Attal s'inspire du Danemark, un pays très à la pointe sur la lutte contre le harcèlement. Il souhaite pour cela multiplier les cours d'empathie, des heures pendant lesquelles les élèves sont sensibilisés à l'écoute de l'autre et aux émotions. Et pour éviter certains drames comme ceux de début septembre, le gouvernement veut libérer la parole des victimes. Pour ça, il réfléchit à distribuer un questionnaire aux élèves, une sorte d'auto-évaluation pour savoir comment il se sent dans son établissement. Et pour détecter les cas de harcèlement, le gouvernement mise sur des brigades anti-harcèlement. Oui, des petits groupes de fonctionnaires spécialement formés qui pourraient intervenir en cas de problème ou pour aider les chefs d'établissement. Mais une fois qu'un cas de harcèlement est identifié, il faut ensuite agir. Le plan contient donc un volet répressif. La mesure dont vous avez forcément entendu parler, c'est celle concernant le changement d'établissement de l'élève harceleur. Car oui, avant, c'était l'élève harcelé qui devait changer de collège ou de lycée. Et depuis quelques années, on n'apprend rien à personne, le harcèlement se poursuit sur Internet. Et c'est pour ça que les réseaux sociaux occupent une majeure partie du plan. Le mot d'ordre est fermeté. Plusieurs mesures peuvent être prises en cas de cyberharcèlement, comme la confiscation du téléphone portable du jeune harceleur, et ça dès le début de la procédure judiciaire, ou même la possibilité d'interdire l'accès aux réseaux sociaux la nuit pour les jeunes mis en cause, et ça pendant plusieurs mois comme une sorte de couvre-feu numérique. Le site de la fac Colbert à Marseille reste finalement ouvert. Les étudiants vont pouvoir reprendre les cours normalement. L'université d'Aix-Marseille devait normalement fermer hier et le rester jusqu'au 13 octobre. Une décision prise par le doyen à cause de l'insécurité liée au trafic de drogue. Le niveau de violence est en forte hausse depuis quelques mois, mais finalement, bonne nouvelle pour les étudiants. La fac reste ouverte, mais avec un dispositif particulier. Des policiers nationaux seront présents en permanence sur le site pour assurer la sécurité des élèves. Acheter des livres neufs sur Internet va vous coûter plus cher, et ce, dès aujourd'hui. Et oui, 3 euros, c'est le minimum qu'il faudra débourser en frais de port pour recevoir vos livres si vous avez décidé de les commander sur Internet. La mesure prend effet le 7 octobre, donc aujourd'hui, et s'applique aux commandes dont le panier est supérieur à 35 euros. Le but, c'est bien sûr d'aider les librairies indépendantes face aux géants qui sont Amazon et la Fnac. Moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, tu me parles pas d'âge. I recoup the ball. C'est un monument du journalisme qui est mort cette semaine. Jean-Pierre Elkabbach est décédé à l'âge de 86 ans. Salut Corentin. Salut Bruno. C'est un journaliste autant admiré que décrié. Oui, il faudrait bien plus qu'une simple chronique ActuVu pour décrire Jean-Pierre Elkabbach. Il aura vu passer en tout 8 présidents de la République et travaillé dans de nombreux médias. France Inter, France 2, France 3, Europe 1 et dernièrement CNews entre autres. Une longue carrière et des entretiens mémorables. Car Elkabbach est connu pour ses interviews hors du commun. C'est même en quelque sorte sa marque de fabrique. Ses prises de bec avec le secrétaire général du Parti communiste Georges Marchais reste célèbre. Ce dernier lui reprochait de tout le temps lui couper la parole. Il aura interviewé tous les présidents, sauf un, Emmanuel Macron. Mais c'est sa relation avec François Mitterrand qui marquera sa carrière. Une relation bien particulière et souvent décriée. Oui, car Elkabbach est catalogué comme étant proche de Giscard d'Estaing, notamment après avoir viré Claude Sérillon de France Inter, après une chronique sur l'affaire des diamants peu flatteuse pour VGE, après l'élection de Mitterrand en 1981. Elkabbach est viré d'Antenne 2. Il revient un an plus tard sur Europe 1, grâce à l'intervention de Mitterrand lui-même. Les deux hommes se voient régulièrement et Elkabbach interview Mitterrand à de nombreuses reprises, dont en 1993 pour une série d'interviews, des questions fleuves et à propos de tout, un style inimitable mais une proximité au pouvoir qui questionne. C'est justement cette relation entre le journaliste et les présidents qui lui sera souvent reprochée. Les gymnastes françaises qualifiées pour les JO 2024. Elles devaient finir dans le top 12 des qualifications au championnat du monde et elles ont fait mieux que ça, une 7ème place qui assure la qualification en équipe et par la même occasion un quota de 5 places individuelles. Et cerise sur le gâteau, cette semaine elles ont finalement décroché le bronze par équipe à ces mêmes championnats du monde. C'est la 2ème médaille de l'histoire après 1950. De bon augure donc, mais pas le même destin pour les hommes, tout simplement non qualifiés en équipe pour les JO à la maison l'année prochaine. La Coupe du Monde de football 2030 se jouera dans 6 pays. Et sur 3 continents, rien que ça, un grand casse-tête d'organisation, car au départ, il n'y avait qu'une candidature, celle de l'Espagne et du Portugal, rejoint ensuite par le Maroc. Là, on est déjà 2 continents, mais grâce à un accord entre des fédérations, 3 matchs se joueront en Amérique du Sud. Au début de la compétition, ce sera en Argentine, au Paraguay et en Uruguay. La raison est simple, c'est les 100 ans de la compétition. La première édition s'est déroulée en Uruguay en 1930, là où sera célébrée une grande cérémonie du centenaire. Pour l'histoire, c'est beau, mais pour l'écologie et pour les joueurs, on repassera. Absolument tout ce qui fait de vous ce que vous êtes peut faire de vous un bon journaliste. Colline, c'est quoi ton journal préféré ? Concrètement, qu'est-ce que le jury peut nous demander ? À force, vous ne ferez plus qu'un avec l'actu. Mais messieurs, dames, aficionados de l'audiovisuel, j'ai tout de même quelques définitions pour vous. Maintenant, à vos carnets et à vos stylos. Depuis qu'on a lancé ActuVu, notre objectif c'est de vous coacher, vous aider comme on peut pour avoir les concours des écoles de journalisme, mais il y a quand même une question centrale à laquelle on n'a pas toujours répondu. Salut Julie. Salut Bruno. C'est toi qui réponds du coup aujourd'hui, tu vas nous dire pourquoi c'est une super idée d'aller en école de journalisme. Oui, alors je pourrais vous dire qu'on est super bien formé, qu'on a des intervenants de fous, du matériel nickel chrome ou ce genre de truc académique dont on vous a déjà parlé. Mais vous l'avez compris, c'est le dernier numéro d'ActuVu, en tout cas avec cette équipe. Et on m'a dit que j'avais carte blanche, grosse erreur, donc j'ai plutôt envie de vous parler de choses beaucoup moins sérieuse. Bon, déjà, je vous conseille d'aller en école de journalisme pour faire des rencontres. Bon, alors, il y a des rencontres vachement moins sympas que d'autres. Par exemple, je sais toujours pas si Margot m'apprécie vraiment ou si elle peut juste pas me blairer. Bon, après, je suis quand même pas la mieux placée pour parler de rencontres. Je devrais plutôt te laisser la parole, Bruno. Toi qui as trouvé l'amour dans les murs de l'EJT. Bon, après, t'as trouvé l'amour dans les murs de l'EJT, ouais, ouais. Mais bon, vu que t'as pécho ta meuf dans mon appart pour la première fois, je m'attribue les mérites quand même de ce succès. Après, les écoles, donc voilà, vous faites des rencontres, etc. Mais c'est bien aussi parce que c'est pas mal de confort. Donc, on a du matériel qui coûte cher, des salles de classe avec des écrans tactiles qui coûtent cher, une cafétéria avec des machines qui coûtent très cher et des poufs super confortables. Mais même avec tout ça, Corentin, il a décidé de passer 360 jours par an dans les canapés Emmaüs de la mezzanine. Donc 4 500 € l'année pour faire la sieste dans un canapé de 20 cm de long sur 10 de large, ça fait quand même cher, surtout quand on mesure 1m90. Bon, l'école c'est cher, c'est vrai, mais ça vaut le coup, parce que c'est aussi de très beaux souvenirs. On s'amuse beaucoup, parfois un peu trop d'ailleurs. Par exemple, avec Chloé, on doit vous faire une confidence. C'est le premier épisode d'ActuVu qu'on enregistre sans être en gueule de bois. Bon, c'est peut-être parce qu'on a le Covid aussi. Bon, ensuite, je devais parler de Louise, mais comme d'habitude, elle a annulé au dernier moment. Louise, tu tombes bien parce qu'en fait, je devais parler de toi à ce moment de l'épisode. Bon, après, comme d'habitude, t'as annulé au dernier moment, comme quoi l'école, ça rend pas forcément professionnel. Bon, et puis, c'est pas plus mal parce que Gabrielle est quand même vachement meilleure. Enfin, je sais pas si je dis ça parce que c'est sincère ou parce que j'ai peur de la contrarier, mais bon, on saura jamais, ça, c'est pas... Bon, j'arrive à la fin de ma chronique, sachez quand même que j'ai hésité à faire un truc un peu émotion, un peu on pleure dans les chaumières. Mais alors, de un, j'avais pas envie de détrôner Colline, qui est quand même beaucoup plus douée pour faire des discours larmoyants que pour faire des directs. Bon, ça c'est quand ses tentatives sont pas avortées par les deuxièmes années, hein, bien sûr. Et surtout de deux, j'allais être obligée de leur dire que cette année d'ActuVu reste l'un de mes meilleurs souvenirs, l'un des plus précieux à l'EJT, et qu'ils allaient toutes et tous beaucoup, beaucoup me manquer. Bon, bah voilà, c'est la fin. Merci à ceux qui nous ont écoutés toute l'année dernière, ou même si vous avez écouté que cet épisode, va y avoir beaucoup de remerciements, désolé. Forcément, après 30 épisodes, des hors-séries, des lives, ça fait bizarre de lâcher le podcast. Mais la nouvelle équipe va gérer, j'en doute pas. Laissez-leur le temps de prendre leur marque. Merci à Margot, avec qui on a râlé auprès de tout le monde pour avoir les papiers à l'heure. Merci à tous ceux qui ont participé. Louise, Amandine, Apo, Bérénice, Charline, Chloé, Coco, Esteban, Flavie, Gabriel, Julie, Lorina, Louis, Mathilde. Merci à Paul de nous avoir fait tous les visuels chaque semaine et de nous avoir beaucoup pris en photo aussi. Et merci à Colline d'avoir géré les réseaux sociaux. Sans elle, Instagram, ce serait quand même un peu plus fade. Et remerciement spécial pour Hippolyte qui a géré la régie de cet épisode. Je vous garde pas plus longtemps. Continuez à écouter ActuVu. Le podcast s'arrête pas. C'était un plaisir de vous accompagner pendant un an. Et moi, je vous dis à une prochaine. Ouais.